On y va, c'est parti. Freddy Papa Mukuluku. Les grippadiers vaincus en Côte d'Ivoire. Ouais. Pendant que ça agit ailleurs, nous on prend pour faire concept. Disez-le oui, c'est très très fort. On y va. Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, Agrippa, on se traîne, on bouge, on saute, on descend, on descend, on descend. Comme ça, il m'a à faire suivre. Hey, y'a niqué ça, ouais. On y va, grippe, grippe. Allez, grippe, grippe, grippe, grippe. On bouge, la souplesse dans le corps. On tourne, on descend, on descend, on descend. Je souffre, oh, Carlo Bemba, depuis Paris. Allez, j'avais la gabourou, bagasse, ma baisse à la gala, ma bourou, grippe, grippe. Je dis, sol et corps. Grippe, bien, j'ai dit. Je dis ça de ce corps. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Ta maman t'a fait. Après la suite. Je crois pas, je crois pas, je crois pas.